Car that's full of great karma. But it might be time to let it go. Send it to its next life in style. Donate it to KFAI and we'll turn it into the programs you love. To donate your car, call 855-277-2346. Or go to KFAI.org. KFAI, listener-supported radio. Programming is supported by AMPERS and the Minnesota Arts and Cultural Heritage Fund, providing programming for music lovers at ampers.org. Ampers features hundreds of performances by Minnesota jazz, rock, Americana, and classical acts. Information and audio at ampers.org. Ampers, diverse radio for Minnesota's communities. Bonsoir. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90,3 FM Minneapolis et 106,7 FM Saint Paul, Radio Sans Frontières. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. Alors, vous êtes à l'écoute de Bonjour Minnesota. Et nous allons commencer notre musique avec Edith Piaf. Oui, Piaf, on l'adore. Alors, on commence avec Les Mômes de la Cloche. Et ça va être suivi par C'était une histoire d'amour. Et la troisième, Padam. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez, dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les purites paumées, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur fort exigeant, mais personne n'en veut. Ben tant pis pour eux, qui que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Mais comme elles n'ont pas les toilettes qu'il faut pour les quartiers urbains, ce n'est pas aux galeries Lafayette qu'elles vont faire chaque soir leur turbin. Le long du canal Saint-Martin, au Sylvestre ou à la chapelle, on est toujours assez gondin. Pour le monsieur qui vous appelle, c'est de l'article populaire, c'est pas du beau joujou. Y'a pas de poupée en soi au bazar à 30 sous. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les purites paumées, qui sommes aimés un soir n'importe où. Tout comme nos ribouis, nous sommes pas vernis. Jamais l'on n'ira sur la Riviera, que ça fout, on s'en fout. Quand l'agent nous chauffe, on va faire 4 jours là-bas, à la tour, les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses, elles furent payées tant bien que mal. Puis un jour plus rien dans la caisse, elles vont se ficher dans le canal. Et sans avoir, comme un cheval, la pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit, ah, oh, mais ce n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus la sou, s'en vont tout à pantin. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches. C'est nous les paumés, les purées paumées, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais l'on ne voit ni fleurs, ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout? On s'en fout. Quand la mort nous penche, oh, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonne et pour le monde de la cloche. Mais quand les histoires sont trop jolies, ça ne peut pas durer toujours. C'était une histoire d'amour. Ma part de joie, ma pour me faire un chagrin d'amour. Et tant pis si mes nuits sont blanches, tant pis pour moi si je pleure tout le temps. C'est le chagrin qui prend sa revanche, y'a que le chagrin qui est content. Vraiment, il y a de quoi rire. J'ai l'impression de vouloir mourir. C'était une histoire d'amour. Qui m'a m'obsède jour et nuit. Cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam, il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam, il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam, c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours sur cette air qui va toujours. Padam, padam, padam, des je t'aime de 14 juillet. Padam, padam, padam, des toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam, des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul cœur sur cette air qui bat comme un cœur. KFAI is a proud sponsor of One Minneapolis, One Read, a citywide program in which the entire community is encouraged to read the same book and participate in a community conversation. The community is reading Diane Wilson's Spirit Car, Journey to a Dakota Past, a story about the Wilson family's journey through the 1862 Dakota War in Minnesota. One Minneapolis, One Read will present a conversation with Garrison Keeler and Diane Wilson on Monday, September 24th at the Minneapolis Convention Center, 7 o'clock p.m. More information on tickets and ways in which you can be involved is available at oneminneapolisonereed.com. Oh, ça ne marche pas? Non, ça n'a pas l'air de marcher. C'est pas allumé. Oh, peut-être ça c'est pas allumé, mais je t'entends. Tu m'entends? Oui, très bien. OK, mais très bien. So our little gizmo here doesn't really light up, but as long as we can light up ourselves, we'll get the show going. You heard 3 songs by Edith Piaf. The first one, Les Mômes de la Cloche, which means more or less with the marginals. I mean, the people who live on the margin of society. And this song is a little bit sad. I mean, it tells about how they are treated, how they have to fight their way through getting the least attention of in hospitals and all other places. But this is a slightly sad song. The next song is also somewhat sad. It's C'était une histoire d'amour. This was a love story. And she sings about how she was in love, or how love takes over. And it's like a feast day. It's like a merry-go-round. I mean, this is, you think about right now at the state where the state fair is going on. I mean, love is like all of the commotion and all of the laughter that's going on. The sun is shining. Everything is beautiful. But if it's so beautiful, it can't last very long. It can't last forever, she says. And then she sings about how always someone has to weep in a love story, and only the sorrow lasts. And then some unknown male voice comes in and repeats the thing, saying someone has to weep. Well, the next song is a little bit more upbeat. It's called Padam, and mistake it for Panam. Padam is just a melody that she sings and that follows her, and she is then talking about this melody, whereas Panam is Paris, and we'll hear more about that sometime later today or next week. Anyway, so here this melody is following her day and night. It walks behind her. It is behind her. It's simply, she can't get rid of it, and she sings it. But it's like a comedy of love. It's like the 14th of June, like Bastille Day, 14 juillet. And it's because of the rhythm, it's an upbeat little song. And we end. We cap her two somewhat more sad songs with this engaging melody. Merci, Olaf. C'était bien une valse, remarquez. Oui, trois temps, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? Eh bien, Maurice, c'est lui, Maurice Chevalier. Et Maurice va vous chanter Place Pigalle. Ah, cette place, c'était à l'origine, c'était une place bien bourgeoise, mais après, un peu infâme. Ensuite, Charles Trenet chante. À l'origine, le nom de cette chanson était « Devant la mer », mais tout le monde le connaît comme « La mer ». Très célèbre. J'ai pérégriné sur la map monde, j'ai vu tout et tout. J'ai connu des brunes, des blondes, un petit peu partout. Mais pourquoi tenter de longs voyages et se déranger quand les fleurs de ces rivages peuvent se respirer? Place Pigalle, Place Pigalle. C'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour batifoler. Place Pigalle, Place Pigalle. Vous verrez papillonner tous les genres de beauté, de nationalité, brunes espagnoles, jolies yankees, belles créoles. Blondeur déborde la Tamise, Place Pigalle, Place Pigalle. C'est l'amour, la fantaisie, le coin de paradis, oui c'est Paris la nuit. À la Place Pigalle, on voit sans trêve la vie s'agiter. On vend la drogue et le rêve, les fleurs, les baisers. C'est comme un marché où s'entrecroisent le mal et le bien. la pucelle et la bourgeoise côtoient la catin, place Pigalle, place Pigalle. C'est là que le monde entier vient pour se rencontrer et pour patifoler. Place Pigalle, place Pigalle. Vous verrez se mélanger les célèbres banquiers, les prospères arriver, les hommes d'État, les petits raquins, les grands rachats, les mendiants et les cabotins. Place Pigalle, place Pigalle. C'est le mieux et c'est le pire, l'enfer, le paradis, mais c'est Paris la nuit. Pardon monsieur, pour aller à la place Pigalle s'il vous plaît. Ah ben écoutez monsieur, vous n'avez qu'à monter la rue Pigalle et là tout en haut, ben vous trouverez la place Pigalle. Merci infiniment monsieur, vous êtes très aimable, merci beaucoup monsieur. Alors pardon monsieur, c'est bien ici la place Pigalle. Qu'est-ce que ça peut te foutre toi, tête de lard? Un peu grossier le monsieur. Ça doit être un étranger probablement. Monsieur, achetez-moi des fleurs s'il vous plaît. Monsieur, vous ne voulez pas un gramme de cocaïne? Monsieur, faites-moi la charité s'il vous plaît. Monsieur, au coin de la rue, il y a un petit cinéma cochon. Place Pigalle, place Pigalle. Mais qu'est-ce qu'il a gueulé comme ça celui-là, il est fou. Eh ben, m'a fait peur. En voilà un idiot prout. Oui, c'est Paris la nuit. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez des oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, elle les a bercées le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas. terre, c'est mon cœur pour la vie. Oh, j'adore cette chanson. Yeah. Est-ce que c'est belle? Am I on? Oui. Yeah, okay. Well, you heard Maurice Chevalier in Place Pigalle. And what he sings about, of course, is the Place Pigalle along which everything happens. He sings about all the people who come together, and they are from all ways, walks of life. I mean, you have, during the day, you have the housewife and her little daughter who move, and then other people come in. Beggars, misers, people who have a lot of money, bankers, and of course, if they have their bonuses, I mean, they can go to Pigalle, like, you never know. And so all then, people from all over the world, Spaniards, Creole, they all come, and they find what they are looking for on Place Pigalle. Drugs, to drink, blonde, everything you can have at Place Pigalle. And he closes his song then in the way that the petit Parisien, the particular language or the particular argot of the Parisian, which is distinguishable from everything else. So he closes on that and says it's the best can be the best and the worst it can be, heaven and paradise. That was Maurice Chevalier. And the next one is Charles Trenet in La Mer, or actually Devant la Mer, is in front of the sea, is what his song is about. And that's kind of almost his theme song. And he sings about the sea, about the clear bays along which one can walk, about the azure, the blue, the dark blue of the sea and of the sky, of the mutton clouds that hover above the horizon. And he sings that this is my life forever, and we'll dance along the clear bays, and this is where I want to be. So that was Charles Trenet in La Mer. There was a popular singer, Bobby Darin, who made this into a jazzy number, Beyond the Sea, and it's much different from the, I don't know, 50s and 60s. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter? Eh bien, ça va être Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain-des-Prés. Elle doit avoir dans les 80 ans et elle toujours donne des concerts partout dans le monde. D'abord, elle va vous chanter « Si tu t'imagines », suivi par Juliette Gréco aussi, « L'accordion ». Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça va que ça va que ça, va durer toujours la saison, des à la saison, des à, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymphe et ton pied léger, si tu crois que ça va, ça va que ça va que ça, va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont, les beaux jours de fête, soleils et planètes tournent tous en rond. Mais toi, ma petite, tu marches tout droit vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche la ride véloce, la pesante haute graisse, le menton triplé, le muscle avachi. Allons, cueille, cueille, les roses, roses de la vie, roses de la vie. Et que les pétales soient la mer étale de tous les bonheurs, de tous les bonheurs. Allons, cueille, cueille, si tu ne fais pas ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Dieu que la vie est cruelle, au musicien des ruelles, son copain, son compagnon, c'est l'accordéon. Qui sait-il qu'il aide à vivre, à s'asseoir quand il s'enivre? C'est qui vous, c'est moi, mais non, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'on a l'accordé, l'accordéon. Ils sont comme queue et chemise, et quand on les verbalise, il accompagne au violon son accordéon. Il passe une nuit tranquille, puis au matin il refile un peu d'air dans les poumons de l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Quand parfois il lui massacre ses petits boutons de nacre, il en fauche à son veston pour l'accordéon. Il emprunte ses bretelles pour secourir la ficelle qui retient ses pantalons en accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Mais un jour par lassitude, il verra la solitude se pointer à l'horizon de l'accordéon. Il en tirera 50 centimes à la brocante et on fera plus attention à l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. Accordé, accordé, accordé donc, l'aumône à l'accordé, l'accordéon. À votre bon cœur, monsieur, dame. The next two are from Juliette Gréco, and she is pretty high up in age, but last few months, a collection of her songs, and she is still active. The first one is Si tu t'imagines, if you imagine, and then she simply talks about my little one, just go walk straight, and if you don't know what you're stuffing, what kind of ideas you're stuffing into your head, yeah, just imagine something, and then that will carry you on. The next one is accordéon, and she describes the accordion, what is playing at the little streets, and that she explains how the keys are, and the mother of pearl buttons, you know, and a button accordion, and so she tells a story of an accordion, and then unfortunately it ends on the brocante. And the brocante is, that's the, Well, that's secondhand. More or less a secondhand, or even worse. I mean, discarded objects. Where you find it at the end? Well, so then everything ends in has to end in one way or the other. But she is very much interested and in love with the accordéon, with the instrument. Merci, Olaf. Et maintenant, on va écouter Michel Sardou. C'est tôt dans sa carrière. C'est une chanson qui s'appelle Les Vieux Mariés. Et ça va être suivi par une chanson bien connue de Michel Sardou, Être une femme. Il vit à l'intérieur de moi, secret, petit, envahissant. Parfois il me vole mes rêves. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir il me vient une idée. Si l'on pensait un peu à nous, un peu à nous. On s'est toujours beaucoup aimé, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée. Si l'on partait comme de vieux fous, comme de vieux fous, on habiterait à l'hôtel. On prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Ce soir il me vient. Ce soir, il me vient des idées. On a toujours bien travaillé. On a souvent eu peur de ne pas y arriver. Maintenant qu'on est tous les deux, si l'on pensait être heureux, être heureux. Tu m'as donné de beaux enfants. Tu as le droit de te reposer maintenant. Alors il me vient une idée. Comme j'aimerais voyager, voyager. Mais on irait beaucoup moins loin. Tiens bien la main, je te reparlerai d'amour. Ce soir, il me vient des idées. Ce soir, il me vient des idées. Nous revivrons nos jours heureux. Et jusqu'au bout, moi, je ne verrai plus que toi. Le temps qui nous a rendus vieux n'a pas changé mon cœur pour ça, mon cœur pour ça. Thank you.

have coffee, have them bring coffee to our beds, have coffee in bed, breakfast in bed, and we can always hold hands. And now we should go and look like two, foolish old people, but that doesn't make any difference. You worked, we worried our heads off to make sure that our kids were okay. But now I could think that if I hold your hand, I could speak of love again. And so this it's a very gentle, very nice little song. The next one is Être une femme, to be a woman. And that's he seems to have some problems with this. In a very fast rhythm and rock, he sings about la femme de 80, the woman, the women of 1980. And he sings about, boy, they are bankers, they have their Swiss accounts, they are police women, they are jail wardens, they are generals, they are pilots. And he goes all through the entire list of what the women do. And simply, he doesn't seem to be, the way he sings it, doesn't seem to be totally in agreement with the situation as it has presented itself in 1980 and later on. Merci, Olaf. Alors, on va jouer quelque chose un peu plus moderne maintenant. C'est Francis Cabrel. Il est parmi les plus populaires des chanteurs et écrivains compositeurs. C'est de son album Les Beaux Dégâts. La chanson s'appelle Telecaster. Et la Telecaster, c'est sa guitare. Ensuite, ça va être suivi par Francis Cabrel avec Elle dort. D'aventure, d'emprunter la voiture de mon père, d'aller traîner dans les bars sur le modèle rockstar Angleterre. Je rêvais de traverser la Manche, accroché aux hanches de ma Telecaster. Et c'était des nuits toutes d'un bloc à creuser dans le rock'n'roll mystère, jusqu'à trouver la note qui aurait mis tous mes potes d'équerre, d'équerre, d'équerre. Comme le noyé à la branche, accroché aux manches de ma Telecaster. J'espérais qu'il reste une place de libre, une heure de gloire, chose entre Gershwin et Mozart. Des places, il n'en restait aucune. Je suis parti jouer pour pas une thune et nowhere. Des câbles pleins de bière et les amplis qui pèsent un enfer. Sur toutes les mauvaises planches, accroché aux hanches de ma Telecaster. J'ai joué des tonnes de blues dans toutes les caves. choses pour lui plaire. Debout dans la lumière blanche, accroché aux manches de ma télécaster. Elle danse sur des parquets immenses, aussi luisants qu'un lac. Confuse dans les vents qui s'amusent à sa robe qui claque. Ondulant comme une flamme, ballerine, elle balance sans effort. Elle rentrera par le grand escalier qu'elle adore. Elle court par les ruelles, autour dans les rires et les flaques. Légère par-dessus les barrières et les grilles des parcs. Ondulant comme une flamme, elle s'envole au bras d'un conquistador. Sur la chaise mobile où lourdement pèse son corps, elle dort. C'est l'histoire d'à peine une seconde. Enfin, elle peut faire comme tout le monde. Poursuivre un oiseau, un ballon, un trésor. Mais elle dort attachée à un siège, comme sur l'eau le bouchon de liège. Et toujours ce fil qui la ramène au bord. Elle sort ni blessée, ni fragile, ni poupée de cristal. Dehors où le monde défile à vitesse normale. Ailleurs dans d'autres costumes et debout surtout dans d'autres décors. Sur la chaise mobile où lourdement pèse son corps, elle dort. Elle dort comme on plonge dans un livre. Elle dort comme on commence à vivre. Surtout quand le monde accélère dehors. Mais elle dort attachée à un siège, l'enfant jamais descendu du manège. Elle aime ses heures brûlantes où elle passe. Qu'elle danse. Qu'elle danse. Qu'elle danse sur des parquets immenses, aussi luisants qu'un lac. Confuse dans les vents qui s'amusent à sa robe qui We had Francis Cabrel. He is a very well-known and very esteemed chansonnier in France. The first song was Le Télécaster, and the next one, El Dor. Télécaster, well, I think that is what he calls his guitar. And he sings, and it's kind of a song the fantasies of an adolescent, because he starts out singing, I always dreamt of adventures, and I want to borrow my dad's car, and then I'll go through the world. Well, and on that, of course, he is trying to play the guitar and does this in all kind and rock and roll in all kind of modes. And he takes along, this guitar is what is giving him his kicks, and which he uses and is esteemed by his friends. So he doesn't really know what kind of a beat to take or what kind of melody. So he tries anything between Gershwin and Mozart, or also later on between Hendrix and Mozart. But basically he is trying to really establish himself in all of the nightclubs of Toulouse. That's where he seems to be. And then at the end, there's he sees a girl, and it just strikes him like lightning. And so he still is trying to play and impress her. So do we have to go? Station break. Yes, mm-hmm. I'll go to the next one later on. Okay. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Community Radio, KFAI 90,3 FM Minneapolis et 106,7 FM Saint Paul, Radio Sans Frontières. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM Saint Paul, Radio Without Boundaries. Il est 9h. In minute. All right, we are precise here, so it's 9:01. And it's 4:01 à Paris. Oh là là. 4:00 le matin. Oh là là. So the second song is a little bit not mysterious, but at least he sings about a girl, Eldor, she sleeps. And he sings about the girl that is dancing on an immense dance floor. And then he sings about her robes swirl around and so on. And after a while, you actually realize that he is singing about the girl that is sitting in a wheelchair. And that this girl is falling asleep in the wheelchair, and that she's dreaming that she actually can dance and that she actually can move around at will. And it's a very, well, it's kind of a sad song about a girl, little girl, that is tied to her wheelchair in which she sleeps, in which she has to sit, and in which she has to pass her day. Thank you, caller. Someone, I didn't get his name, but called in and appreciated that song by Cabrel, El Dor. And thank you, Axel, for calling. If you'd like to call us, our number in the studio while the music's on, please, 612-341-0980. Oh, some news, Olaf. Well, I mean, we have a couple of things going on. Maybe I'll say a little bit about this. This has to do with the upcoming Franco Fête. And that's the Franco Fête, which is going to be held on September 28th. And this is a fête that is, fest, in which all people who are interested in French, in the French language, here in our continent and in North America. And so basically it's going to be an extremely interesting presentation. There are going to be presentations on the French speakers in the Midwest. Much of this will be at the Our Lady of Lourdes, and then also in the high school auditorium of De La Salle High School in Nicolet Island, and on Boniface Catholic Church on 2nd Street in Northeast Minneapolis. So this is is going to be very interesting, and it's a major event which is open to all persons who have an interest in the French language and heritage. And what this is all about is about the settlement history, including today, of North American Midwest, which has been influenced very much by the French, especially initially through exploration. And basically all the names of the French explorers are come up, Father Hennepin and Duluth and et cetera, Sieur Duluth. But it's then also later migration of French Canadians who created dozens of French language communities in the Middle West, and they have more than 3 million descendants of French Canadian heritage. And this festival is specially designed for students and teachers of French, and it will feature workshops, music, food, dance, and film, all in comfortable spaces at the edge of downtown Minneapolis. So, if you want to get more information, let me see where the best probably Dick Bernard. Dick Bernard and his website or his address is Dick, like D-I-C-K, and then there is a space, and Bernard, B-E-R-N-A-R-D, and then at me.com. So I'll repeat this, Dick with a space, Bernard, at me.com. So we will give you more information as time goes on, but there's not only the Franco Fête, but there's also going to be a concert by Le Vent du Nord, which is a traditional folk group from Quebec, Canada, and they will be singing on Saturday, September 29th, again at the De La Salle High School Auditorium on Nicolet Island. You will get more information about all of this as time goes on. Let's see. We are August 28th today. A month. Mm-hmm. So it's exactly a month. So you'll hear more about this, but if you need information, try it to get it from Dick Bernard, or call him at 651-334-5744. And this is going to be a very interesting event. I know they are looking for people who whose ancestors came here and who may have some historical documents such as photos. They would like copies to put on a show, maybe even family Bibles or that type of thing. So contact Dick Bernard if you have some artifacts that you, oh, and there were some quilts and things mentioned, or pictures of. They don't want precious items, but pictures and so on of that kind, yes, of thing. So contact Dick Space Bernard. Yes, he is. Me.com. So now this is kind of a fête de la francophonie, and right now there's a lot, big controversy going on in Paris. The international sommet de la francophonie, or the top meeting of francophonie. Congrès, peut-être. Pardon? Congrès. It's a congress, but it's the top one. It's is going to be held at Kinshasa in Democratic Republic of Congo, and this is under Joseph Kabila. Of course, is nothing close to any democratic country. I mean, he is kind of the ruler, and people in France as well as in the Congo are upbraiding François Hollande that he goes there, because they think that by participating in this this place, Kinshasa, he in a sense gives Joseph Kabila legitimacy or something. Yeah, legitimacy. Mm. So. Another question is, what is the organization of the International Organization of the Francophonie? Well, it's a group of obviously directed from France. Where else would you think? And it is 75 states or governments are actually participating, and these are all governments of countries that have French either as a first language or at least a very important part of their other languages. So they this whole congress is to, or the entire organization is there to get the French language out, and it's to stress its cultural and linguistic diversities. It is to promote peace, democracy, and the and human rights, the les droits d'homme, and of course, then under those aegis, François Hollande is really going into a hornet's nest, and then it's also going into to also support education, formation of French speaking. Teachers and professors of both high schools as well as higher education, and to develop a cooperation in the services sustainable development. So that's just simply to give you an idea of what the organization of Francophonie is. And here we have, right now, we have a big discussion in France, in Paris, and in Congo about Hollande going to this meeting in Kinshasa. And we had Père Jules. Père Jules, qui venait de la République démocratique du Congo. Exactement. And il était de Kinshasa, mais il est parti parce que c'était... Rien du tout de démocratie, et il a dû partir. Ben voilà, on va écouter encore une chanson, et voici de nouvelles chansons qui nous viennent de RFI, Radio France Internationale. Chaque mois, ils nous envoient de la musique des nouveaux artistes, ou enfin des artistes anciens peut-être, mais qui sortent de nouveaux disques ou albums. Et vous allez écouter d'abord Marie-Pierre Arthur. C'est une Québécoise et elle était toujours celle qui jouait derrière la vedette. Et la voilà qui lance sa propre carrière comme soliste. Elle chante Chacun pour toi. Ça va être suivi par Freda il ne me reste. Et Fred, ben, elle est assez nouvelle aussi. Elle, en 2002, elle a fait des bluettes. Mais là, voilà aussi avec Il ne me reste. D'abord, Marie-Pierre Arthur, québécoise. Il y a déjà longtemps qu'on vit chacun pour toi. Et j'attends ton cœur qui n'est plus jamais là. Je ne demande pas mieux qu'aimer pour deux notre histoire. De KFAI? Tell your friends to like us on Facebook. Tag KFAI in your status update. Thanks for tuning in and logging on to your online community radio, where I'm just president of my dark little apocalypse, and I approve this message. J'ai toujours laissé filer comme le temps. tu défilais. Au plus tard, c'est-à-dire bientôt. Avant-hier, c'était encore tôt. We heard first from Marie-Pierre Arthur. She is from Quebec. And the song that she sang was sang Chacun pour toi. Everyone for you. And she sings about, of course, she sings about being against the gray clouds against, and everyone should, and the she should be for the nice colors that she brings forth in her songs. And basically, I mean, she is singing everyone should be for you, and this is her message. The second one is Freda, and actually her name is Marianne Dissard, Freda, and she sings about Il ne me reste, and what she sings about is I only have, and I only have 2 weeks to find love. I have only 1 hour to prepare to get a hubby, to be the happy love child. And then she keeps on singing this about she has 2 weeks time to get prepared for love, and then 1 hour to get more involved. So she sings about how she held him tight the day before yesterday, and ends up with singing, encouraging him to kiss her. So, but it's a very nice rhythm, and this is she came out with all of this in last year or so. So these are very songs that have just come out in France. Comme tu es discret, Ola. Here's some announcements for what's going on in the Twin Cities. It's the Alliance Française that announces an open house. Fall open house will happen on Saturday, September 8th from 12 until 3 p.m. at the Alliance Française, 113 First Street North in Minneapolis. Meet other members, teachers, friends, and partners. Test your French with a placement exam. Try out a French sample class and much more. Prizes, refreshments. Fall classes will start September 10th through November 17th at the Alliance. If you enroll early, you get an early bird discount. If you enroll for a 10-week adult class, before next Monday. To register, You can call the Alliance at 612-332-0436 or go online and get more information also at bonjour@afmsp.org. The Alliance Française provides the official test for people wishing to emigrate to Quebec, and the official test will evaluate your French level with the, it's called TEFAQ. TEFAQ. Registration ends Friday, September 28th. The test is on Wednesday, October 31st. The Alliance Française has job openings. They are currently accepting applications for the following: an office manager / receptionist, an evening receptionist, and part-time instructors. Marketing interns also. There, you can click on their site if you go again to bonjour@afmsp.org and get more information on that. Labor Day coming up. The Petit Dej Breakfast Conversation Group canceled on Saturday, September 1st, and the Alliance will be closed on Monday, September 3rd. On September 8th, they're having a photo exhibit through the 8th of October, a stunning photo exhibition called Planète Femme. This exhibit will make the Twin Cities debut at their fall open house. There's some 42 winning photographs of the Fondation Alliance Française second international photography contest taken by amateur photographers from over 200 Alliance Française chapters in 80 countries. A panel of judges in Paris selected these photos from over 1,000 submissions. Each photo shows a woman or women from the world's many cultures showing their diversity, beauty, and the strength of women around the world. Catch that at the Alliance Française, September 8th. You want to read in French? Well, they have a program called Navigateur de la Littérature, Wednesday, September 5th from 6 to 8, a book club especially for intermediate readers. Then there is also, that's September 5th for intermediates, the Cercle du Livre, Wednesday, September 26th at 5:30. That is for, or it doesn't say what level it is. Le Jeu de l'amour et du hasard by Marivaux. More information again by going online. Thursday, September 27th at 6, an evening with François Roca, French children's book illustrator. François Roca will talk in French about his work and how these books can be used in class, French-speaking, for English speakers. He has illustrated more than 20 books, most of them written by the French author Fred Bernard. Their first one was La Reine des Fourmis a disparu, was awarded several prizes in France. So that will be on display, and he will speak Thursday, September 27th at the Alliance, 6 p.m. Great movies on now. Olaf, haven't we really been showered with wonderful French movies this season? Yes, and you don't know. The Well Digger's Daughter, yep. La Fille du Pisatier. Did you like it? Oh, it's a very nice movie. But it's in the same spirit as Madeleine Lafont, no, Manon de la Source, and so it's all on Pagnol. Marcel Pagnol, a writer of the South. Mm-hmm. And it is directed by Daniel Auteuil, who also stars in it, doesn't he? Yes, he stars in it, yes. A fantastic actor. I haven't seen him direct, but it's had great, great reviews. That's going to be at the Lagoon Theater until Thursday, August 23rd, and at the Edina, Friday, August 24th. So it's already at the Edina right now. Another one called Poop Poop Bidou, Nobody Else But You. It's an offbeat, cleverly crafted French thriller about a crime fiction writer investigating the death of a local TV star who believes she was the reincarnation of Marilyn Monroe. I believe that's still at the Lagoon. The Trilon Micro Cinema we'll be showing Un été brûlant, a burning hot summer from 2011 by Philippe Garrel, September 3rd and 4th. The Trilon is a... I have never been there. Have you been to Trilon? No, I haven't been there, but I certainly want to go. They have a wonderful facility. It's kind of a boutique cinema, if you wish. Right. Small, but very good films. And why don't you... I think it's on... Where is it? Minnehaha or one of those streets over there. You'll have to go Google them to find out where the Trilon, T-R-Y-L-O-N, micro cinema is. Finally, The Untouchables is an outstanding film. If you haven't seen this film, do not miss it. It is just a great one. It's a story about a quadriplegic aristocrat who was injured in a paragliding accident and a young man from the projects. It's funny, it's heart-rending and touching, and it is true. At the end, they show you the true people that did that. Well, actually, he has written a book. I mean, the mm-hmm. protagonist has written a book of the same title, I think. The Untouchables? Yes. Mm-hmm. Well, I get one more announcement here. Tour de France has arrived at Méritage, till the end of August. They're offering a three-course tasting menu at the Méritage restaurant in St. Paul. Foods, wines, and cheeses inspired by each region of France. Yeah, and I think they're still the last one they are having this. The 31st is the very end. It's the last one, and I think that's on the Bretagne and Normandy. Oh, yes. Normandy? Oh, yes. Wonderful cheese. So it'll be cider, cidre. Le cidre bouché. Yes, delicious. Join the Minneapolis Pétanque Club Sunday. Oh, that's done. All done. Sorry. Francine Roche will perform Thursday, September 6th from 7:30 to 9:30 at Honey. She's best known for interpretation similar to Edith Piaf, a great singer. And let's see, what else? New French Conversation Group in St. Paul. September 17th, Monday, 6 to 8 at Nina's Cafe, Coffee Cafe at corner of Western and Selby. Finally, ISG is a research marketing company in Bloomington looking for bilingual English and French Canadian speakers to work on a market research survey. Contact Danelle Gora, D-Gora, G-O-R-R-A, at ISGMN.com. Well, that's enough of that. Had too many announcements tonight. On va écouter maintenant la musique par Robin Leduc. C'est son premier disque en 2010. C'était une très belle surprise. Il a passé une partie de son enfance en Afrique et on peut entendre cette petite peu d'Afrique là-dedans, dans sa musique, aussi bien que des influences américaines. Ça va être suivi par Céline Olivier au Flore. Et pourquoi pas une troisième, Boule avec Cervelle de Moineau. Très amusant. Ces mails ne m'aident pas du tout. de peine ni de trauma. Restons zen en made in China. Belle à Rome, rue de Paris, ton café made in Italy. Près du corps, ne fais pas de pli, ton blue jean made in Italy. New to town? New to the one-of-a-kind audio experience that is KFAI? Want to be part of that experience? Why not become a volunteer? KFAI is always open to creative people looking to share their energy. If you're interested in news reporting, engineering, helping in the music library, or at KFAI-sponsored events, contact me, Pam, at phill@kfai.org. That's phill@kfai.org. Thanks. Thank you. From your friends at KFAI. The new school year starts soon, but it's not too late to enroll in St. Paul Public Schools. There are still openings for the 2012-2013 academic year and are ready to register your child today. From neighborhood schools that bring learning close to home to specialized magnet programs that explore unique interests. To enroll today or for more information, call student placement at 651-744-8020. That's 651-744-8020. St. Paul Public Schools, a world of opportunities. Il y a eu cette fois au Flora Jane. Tu crois que je t'ai froissé lorsque du bout du doigt je t'ai montré. Ça ne se fait pas. Tu donnais une interview, je crois. Il m'a semblé. Je t'ai cherché tes yeux pour que tu me vois. C'est bête, on ne se connaît pas. Est-ce que tu joues parfois la focus, la Marilou, sous la neige? Il y a eu tant de fois où seul le Jane et tu vois. Je t'écoutais en boucle du bout du doigt, je te lisais sur papier glacé. Je ne sais comment je pourrais faire pour te dévoiler. Trouver le vrai du faux parmi ces clichés. C'est bête, mais je ne te connais pas. assis près du radiateur. Mais qu'est-ce que je fous là? Tout au fond, le professeur donne les résultats. Je suis encore le dernier en composition, difficile de le nier. Vu ma position, je suis un cancre notoire, cervelle de moineau, zéro pointé en histoire, idem en géo. Et quand je lève le doigt pour intervenir, je déclenche malgré moi un méchant fou rire. Mais je cultive en secret le don de voyance, ça limite mon intérêt pour l'histoire de France, plutôt penché sur l'avenir que sur Louis XIV, Napoléon et l'Empire. La guerre de 14, je suis un cancre chronique, cervelle de ménate, zéro pointé en physique, idem en sciences nat. Et quand je lève le doigt pour intervenir, je déclenche malgré moi un méchant fou rire. Le dernier rang, c'est pratique pour tout observer. C'est dur, les mathématiques. Pas besoin de s'énerver. Pour la plupart d'entre nous, ça ne servira qu'à changer 3 francs 6 sous en pouvoir d'achat. Je suis le cancre idéal, cervelle de pigeon, petit con en capital, marqué sur mon front. Et quand je lève le doigt pour intervenir, je déclenche malgré moi un méchant fou rire. Devine la réussite d'un tel ou d'une telle. C'était pourtant pas l'élite, pas l'élève modèle. À la surprise générale, le premier de la classe finira pilier bancal. Au bistrot d'en face, je suis un cancre, d'accord, mais un visionnaire. On n'apprend pas le bonheur dans les dictionnaires. Et si mon don de voyance n'est qu'une illusion, j'aurais vécu mon enfance sans me faire de mouron. Je suis un cancre de notoire, cervelle de moineau, zéro pointé en histoire, idem en philo. Et quand je lève le doigt pour intervenir, vos sourires posez sur moi, j'en ai rien à foutre. We heard Robin Leduc in Made In. And this, of course, is a song that deals with the exportation of all of the jobs from the various countries that used to have these jobs. So the first one, he says, he sings about made in France, and that's very little that is being made in France. And then he lists all the other countries, made in China, in Korea, in Taiwan, in Spain, well, in Rio. And he goes down the list, and there's essentially nothing that is made in France anymore. Except at the end, he says something about l'esprit, and well, the savoir vivre, which still is made in France for the French. Céline Olivier. Olivier sang au Flore, in the Café Flore, peut-être, maybe. Oui. Mm-hmm. And she sings about what is necessary to make impress someone, and how do you find someone to like you. And apparently, I mean, if you go to Café Flore, it is pretty pricey, and you certainly will impress someone if you can spend your time there. The last one was by Boulle, and he called the song. Song is called "Cervelle de Moineau," sparrow's brains, and he is the last one in class. And he gives, well, he goes through the entire curriculum, and he is the last one in history. And he lists the history. I mean, doesn't know anything about Napoleon, about the First World War, about etc. etc. He sings about mathematics, and this is just a pain, and all on and on it goes. And then he says, when he, for some reason or other, raises his hand to say something, then the entire, after he said what he had to say, the entire class starts laughing. So he is the ideal last person in class, the last student on the lowest totem pole, or low on the totem pole. But then there's one thing about, apparently the number one in class, he got drunk in the bistro across the street. So he is at least not as bad as many of the others. So that was Boulle in the A Sparrow's Brain. Et tu as des annonces ou des nouvelles? Yeah, I have a couple of comments about information. I mean, this has to do, this people here should be interested in this. In France, there's a debate going on about the price of gasoline. And le prix de litre d'essence à la pompe passe le cap de 2 euros. The gasoline price in France has passed the two euro per liter. And people get terribly upset. It actually, very much so. And my many of these price increases happen during the month of August. Always the way during vacation. When most people are away, so then you can get away with this. So this has been quite a subject of discussion, to the point where actually the outcry was such that now France is going to ordain, I mean, by or give orders, I mean, simply to have the price go down by between 2 and 4 centimes, and at the most maybe 6 centimes. So that would still make it 194 euros for gas. About how much is that in American money? Well, the liter, I mean, there's about 3.8 liters in a gallon. So roughly 4 liters. So roughly 4 liters. And roughly, that's $8 practically. Well, and if the depending on what the euro's change rate is right now, this could be anywhere between $8 and $9 a gallon. So you can see why people there would be upset, and mm-hmm. they're trying to get Minister of Economics and President François Hollande all have are in there and have to deal with this, and especially François Hollande had one, as one of his campaign promises was to keep the price of gasoline down. Well, here goes everything. Here go campaign promises. But I mean, the French are upset. So, and you probably would be if the gas went up to $8 a gallon. So here we are. That's one of the things, of course, that occupies the public opinion right now. D'autres informations? Non, là, ça, c'est, eh ben, ça, ouais. Je crois que ça suffit là pour. I'd like to have, thank you for calling. We love to hear from you. Our number in the studio while the music is on is 612-341-0980. Also, you can listen to the programs, any of them, for 2 weeks after at www.kfai.org, and then go to archives. So if you happen to miss last week's interview with Père Jules, then it's still in the archives. It's still online, and basically you go to archives, and then there is, you'll click on Tuesday, and then you go down to the 21st, whatever the Tuesday is, 21st, and you go down and you then get the click on Bonjour Minnesota. Voilà. Bon, on a le temps pour encore une chanson, une de ses nouvelles chansons, Ben Mazué, et la chanson s'appelle Évidemment. Ben Mazué, c'est un Parisien qui écrit de sa ville. C'est son premier disque qui vient de sortir. Elle n'avait pas l'air de savoir tout ce qu'elle était jolie. Un reliquat dans son histoire, une timidité, une maladie. Moi, délicat dans un costard, séducteur nullissime. J'ai trouvé des mots bizarres pour proposer un rencard, puis j'ai fui. Elle a dit oui, elle a dit ou, parfait. Après quelques mots balbutiants, j'en pensais autant pour son cou que pour ses phrases, évidemment. Évidemment. S'en est fallu de rien pour que nonchalamment je lui dise des trucs très engageants dès le début, évidemment. Une tonne de clichés faisait la queue au bord de ma bouche, mais je me suis tue pour pas faire louche à première vue. Elle est rousse, mais plus que moi, douce, des pieds aux pouces, et mis, c'est tout ce que moi j'endure quand tu dévoiles un bout de ta peau jasmin. L'évidence, moi je connais pas, je doute même de ma propre existence. Pourtant, posté là et si je m'écoute, on prend la route, on leur dit tous bon vent. Pas de raison, pas de projection, c'est pas d'un partenaire dont j'ai besoin, ni d'un passe-temps, non moi j'ai pas ce talent. On va juste installer mon nom dans le tien. Évidemment, 40 000 épreuves qui arrivent, et bien souvent on se dit parfait avant qu'il pleuve ou qu'on vacille. Évidemment. D'habitude l'instinct, je l'ai jamais. On a dû, je l'ai sûrement. Je me dis mais là je l'ai. Alors je me suis, se remplir l'âme de nous, jusqu'à déborder à la bord des immenses plaies de nous, jusqu'à déborder, coller des claques au sens, jusqu'à l'auder. À chaque escale, ne t'inquiète pas, je te regarderai. Si t'es pâle, on s'arrêtera, on fera ce qu'on peut pour influencer le sort. Et si j'ai tort, je te dirai que pour la suite, on aura le souvenir des erreurs déjà, et que c'est pas pour la fuite que moi je suis rentré dans ton cœur. On se rappellera, on pourra dire qu'on a tout fait. Y'a des histoires qui finissent bien, tu sais. Évidemment, il s'en est fallu. So this was Ben Mazué in a song called Évidemment, obviously. And what he sings about is he is, of course, trying to impress a girl, and he gets into his best clothes, and then, well, she kind of looks at him, and évidemment, obviously, he attracts her attention. They dance, and he wants to go dance, but he doesn't know how to dance, the particular dance, and this is not one of his talents. So obviously it's not one of his talents. And on it goes and on it goes about how he hopes that she will enter his heart and he will enter her heart. And obviously, I mean, these are things that are very difficult to obtain, but obviously in a nonchalant way, he hopes that things will work out and obviously be all right for him and his love attention. Merci, Olaf. Bon, c'est l'heure de dire au revoir pour cette semaine et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Et vous allez passer la fête du travail. Oh, ben, j'ai pas de plan. Oh. Oui, mais c'est la fête du travail parce que dans le monde entier, c'est le 1er mai. Mais en Amérique, on a décidé de le passer au mois de septembre pour ne pas être accusé d'avoir suivi les socialistes et autres dans le monde. Et aussi, c'est le dernier cri pour l'été, un peu. Après, l'école recommence et tout cela. Ah oui, toute cette... oui, c'est comme ça, on a passé la chanson du cancre. Un boule qui chantait moineau, cervelle de moineau. Cervelle de moineau, oui. Peut-être on n'aurait pas dû le faire passer juste 3 jours avant que l'école commence. Ben, on va jouer un artiste maintenant, un guitariste qui s'appelle Birelli Lagraine. Il joue de la guitare. Et pour finir, il va vous jouer R et B. Alors, Birelli Lagraine est d'origine manouche, comme Django Reinhardt. Comme Django Reinhardt. Oui. Et c'est un guitariste sensationnel. Alors, le voilà, Birelli Lagraine. Au revoir à la semaine prochaine. Au revoir à la semaine prochaine, oui. Thank you. I'm Nikolai and you're with Balkan Jamboree.